J'appelle aux gens qu'à l'achat du billet de la conférence de la semaine prochaine, vous obtenez la première. Demain soir, samedi, là.